Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis la salate pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité.